Chapitre 5. Le mariage doré et la réalité décevante. Cependant, l'annonce que lui avait faite le bon tabellion de la guérison de Madeleine ne suffisait pas au comte. C'était déjà beaucoup, c'était très heureux, mais la partie était assez grosse pour exiger un contrôle, mériter une confirmation. Alexandre se rendit donc chez les médecins spécialistes à qui il avait montré Madeleine avant de partir pour l'Amérique. Ceux-ci lui dirent que la guérison de la jeune femme pouvait être réelle en effet. Ils n'y voyaient scientifiquement aucune impossibilité. Leur confrère, le docteur Lobel de Mantes, qui s'occupait spécialement de la malade, qui la suivait de plus près, qui la voyait presque tous les jours, leur avait donné dernièrement des détails sur son état, leur permettant de reconnaître avec lui, de confirmer son opinion, que Madeleine Marnier avait tout à fait recouvré la raison qu'elle était rentrée dans la vie normale. Ils lui donnèrent l'assurance que rien ne s'opposait désormais à ce qu'elle devint sa femme. Sigmar n'en voulut pas savoir plus long. Cette affirmation lui suffisait. « Cependant, lui dirent les médecins, il faudra vous munir du certificat du docteur Lobel, est un procès-verbal des magistrats du lieu où habite celle qui n'a guère été démente. » C'était encore une goutte d'eau froide sur ses espérances. Mais pourquoi le docteur Lobel, pourquoi les magistrats, juges de paix ou commissaires de police de Mantes, lui refuserait-il ce certificat, ce procès-verbal? Il n'y a aucune raison à cela, se dit-il, aucune. C'est donc plein de confiance qu'il débarqua à Mantes. Il espérait en outre que M. Duranton, qui avait été mêlé comme juge d'instruction à l'affaire du calvaire, de l'incendie de la tilleuse, ne se trouverait plus au parquet de Mantes. « J'espère que ce bon juge aura eu l'avancement qu'il mérite, et qu'il est allé instruire d'autres affaires ailleurs. » Et fut-il encore là, au pis-aller, Clouteau, se rappelant la façon dont il avait pu le jouer au cours de l'instruction, à son premier retour d'Amérique, se croyait absolument sûr de le rouler encore. « Celui-là, se dit-il, n'est pas dangereux, j'en fais mon affaire. » À Mantes, il apprit que M. Duranton n'avait pas été déplacé. Son avancement, il l'avait obtenu sur place, maintenant il était président du tribunal. « Président, se dit Clouteau, parfait. Désormais l'affaire de la tilleuse ne le regarde plus. » C'est donc seulement comme ami, venant demander en conseil, que Clouteau eut l'audace de se présenter chez monsieur le président Duranton. Le président tout d'abord lui dit, quand il eut connaissance du but de la visite du Forban, que par rien faire n'entrait pas dans ses attributions, qu'il allait, sur la demande du comte, lui désigner un membre du parquet. Mais vu l'insistance du comte, il consentit à titre privé. Le bon président eut la force de dire, à titre d'ami, à l'accompagner jusqu'au Rabnel. Cependant, il dit au solliciteur qu'il lui était impossible de se déranger ce jour même, et qu'il fallait remettre cette visite au lendemain. « Nous ne pouvons, en demeurant, déclara-t-il, nous présenter ainsi officiellement chez les Dalmay, sans les avoir prévenus de notre visite. C'est de la simple correction, vis-à-vis de ces braves gens. Parfaitement. C'est aussi une mesure de sagesse. Car si l'on vous a affirmé que Madame Madeleine était guérie, on est tenu encore à de grands ménagements avec elle, et je considérerais comme une grosse imprudence de faire irruption soudainement au Rabnel. Rien de plus juste. En outre, vous devez vous entendre avec le commissaire de police de Mantes, qui seul a le pouvoir de vous délivrer le certificat que vous désirez, que vous venez chercher, ajouta M. Duranton. Force fut donc au comte de remettre cette visite décisive au lendemain. Mais il quittait à peine le tribunal que le garçon du bon juge portait au télégraphe un message de M. Duranton à l'adresse du jeune cousin, le priant de venir aussitôt à Mantes. Maître Thirion arriva dans la soirée. « Qu'y a-t-il, mon cousin ? » demanda le jeune avocat avec inquiétude. « Que se passe-t-il donc ? Le comte de Saint-Rion est ici, à Mantes ? » ?»« Oui, depuis tantôt. Qu'est-ce qu'il veut, ce chenapan ? Que vous le fassiez arrêter ? Non, il veut sa femme. »« Quelle femme ? Madeleine. » »« C'est donc lui qui est fou maintenant. Il a appris, je ne sais comment, que Madeleine l'avait recouvré la raison. Et il veut voir si elle est tout de même assez folle pour consentir à devenir comtesse de Saint-Rion. » Il prétend que rien ne s'oppose en plus désormais à son mariage avec elle. Il va pouvoir régulariser sa situation, légitimer son amour, devenir enfin le père légal de son enfant, de sa chère Paulette. Le jeune avocat se promena nerveusement dans le cabinet du travail du bon juge, puis se campant devant M. Duranton. « Savez-vous ce que je regrette en ce moment ? Non, mon ami, d'être votre cousin. Pourquoi ? parce que demain, pendant que le comte se rendra au Rabnel, je me posterai à l'affût, comme mon pauvre client le père Gervais, à l'affût derrière la croix du calvaire du bois de Fontenay. Là, d'un beau coup de fusil, j'abattrai à son tour ce misérable sur le théâtre de son crime. Voilà un effet qui arrangerait bien toute chose. Mais je ne peux pas exécuter ce projet, voulant vous laisser la gloire de lancer le mandat d'arrêt contre ce misérable et de lui faire expier, selon le code, tous ses crimes. » Puis le jeune avocat reprit, « Cependant, si je ne lui envoie pas un coup de fusil, je vais être près de lui pour l'empêcher de commettre une nouvelle infamie. » Le lendemain, de bonne heure, comme s'il allait à une partie de chasse, Maître Thirion vint, ainsi que cela lui arrivait souvent, demander à déjeuner au Rabnel. Et sans rien dire toutefois à Madeleine, il avertit les Dalmais. Quand le président du Ronton arriva avec le docteur Lobel, le commissaire et le comte de Saint-Rion, le jeune avocat se promenait dans le jardin avec la jeune femme. Il lui dit qui étaient ses visiteurs et la ramena vers la ferme. En apprenant que le comte de Saint-Rion se trouvait au Rabnel, soudain Madeleine devint très pâle. Elle riait jusque-là en causant avec le jeune avocat. Elle se tut aussitôt. « Allons voir ces messieurs, » dit-elle gravement, sur un ton de résolution et de volonté. Le bon président du Ronton, le docteur Lobel, le commissaire se trouvait avec le père et la mère d'Albet, avec Charles, dans la grande pièce du bas, où se réunissait, comme dans toutes les fermes du pays, la famille autour de la longue table. À l'entrée de Madeleine, tout le monde se leva. Le comte vient pas vers elle, mais le commissaire la retint. « Attendez ! Voyons d'abord comment elle se conduit seule. Quelle est son attitude habituelle ?» Madeleine, allait tendre la main au président Duranton et avec son joli sourire, lui demanda des nouvelles de Madame Duranton, puis elle vint dire bonjour au docteur Lebel. « Docteur, ne me demandez pas des nouvelles de ma santé. Je vais bien, vous le savez. Je vais même trop bien, il paraît. Je vais trop bien. » Elle salua d'un joli geste de tête le commissaire de police qui s'inclina devant elle. « Madame, » dit alors gravement le président Duranton, « nous sommes venus vous voir pour accompagner monsieur qui désire vous présenter ses hommages. » Madeleine tourna lentement son regard vers le comte que lui désignait le président. Elle ne parut pas le reconnaître. « C'est le comte de Saint-Rion, » fit alors le président. « Ah !» fit seulement la jeune femme sur un ton absolument glacé. « Bonjour, monsieur !» Et elle allait passer, après avoir à peine répondu d'un mouvement de tête au salut du comte. Mais Clouteau, alors, s'avança lui par le passage. « Madeleine ! Madeleine, c'est moi !» La jeune femme s'arrêta, de nouveau fixa sur lui ses regards. Le comte reprit. « Moi, Madeleine, j'ai appris le grand bonheur que Dieu nous accorde, et j'accours. Je viens te dire, maintenant que le présent se lie au passé, que les heures noires n'ont point amoindri mon amour, Madeleine. Enfin, tu vas pouvoir être ma femme. » La jeune femme tourna seulement la tête vers le président. Elle lui demanda lentement, « Qui donc est ce monsieur ?» Avant que M. Duranton, surpris, eût pu répondre, Clouteau se précipitait. « Qui je suis ? Madeleine ? Tu demandes qui je suis ? Ne me reconnais-tu pas ? Ton cœur est-il fermé maintenant que ton âme est ouverte ? Tu demandes qui je suis, mais je suis ton mari. Je suis le père de ton enfant, de notre chère Paulette. Je suis Armand, ton Armand. » Alors comme autrefois, Madeleine s'écarta de celui qui parlait. « Non, » dit-elle résolument, « non, vous n'êtes pas Armand, le comte de Saint-Rion. » « Madeleine ! Non, il faut en finir, vous n'êtes pas Armand, je vous dis que vous n'êtes pas Armand. Madeleine, je t'en supplie, écoute-moi, regarde-moi, reconnais-moi, je suis bien Armand. » Madeleine alors, comme autrefois, lui dit, « Armand n'est plus, il dort. » Tout le monde écoutait anxieusement, on demeurait là, atterré. Madeleine fit un pas pour sortir, mais le comte la retint par la main. « Au nom du ciel, Madeleine, au nom de notre amour, reviens à toi. « Écoute ton cœur, ton âme est revenue, je le sais, j'en ai les preuves. Écoute-la donc, laisse-la parler, il faut que tu me reconnaisses, il faut, entends-tu, que tu me laisses te donner le bonheur qu'autrefois je t'avais promis. Il faut qu'ensemble, tout à notre amour, guidé par notre cœur, que Dieu inspirera, nous partions à la recherche de notre enfant. » Madeleine, qui essayait de dégager sa main de l'étreinte du comte, s'arrêta. Elle regarda Clouteau de ses grands yeux, cette fois plein d'étonnement, plein d'angoisse. « Oui, » reprit plus pressant Zigomard qui avait saisi ce jeu de physionomie. « Oui, il faut que nous cherchions ensemble notre fille templeurée aussi. Il faut, Madeleine, que tous deux nous retrouvions notre Paulette. » Paulette douloureusement ferma les yeux. « Paulette n'est plus, dit-elle. Si, Madeleine, si, répliqua le comte, notre Paulette vit encore et nous la retrouverons. La jeune femme secoua la tête. Si Paulette vivait, Jacques, mon ami Jacques, l'aurait sauvée, comme il m'a sauvée. Jacques m'aurait dit qu'elle était vivante, Jacques l'aurait ramenée près de moi. Mais c'est mon devoir, c'est ma tâche à moi. Bon père, de retrouver Paulette, s'écria le comte. Paulette n'est plus, vous dis-je, Paulette n'est plus, fit Madeleine. Je la mettrai dans tes bras, sur ton cœur. Impossible. Paulette, comme Armand n'est plus, tous deux, ils dorment. Se dégageant alors brusquement, Madeleine alla vers l'avocat et l'entraîna hors de la maison. Emmenez-moi, je souffre trop ici. Madeleine, s'écria d'un ton déchirant le faux comte de Saint-Rion. Il voulut s'élancer, mais le commissaire de police se plaça devant lui et lui barra le chemin. Non, monsieur, assez. Pousser plus loin la tentative serait dangereux. Ce que nous venons de voir est suffisant. Le comte, la rage au cœur, se sentant entouré d'ennemis, se promettant pour plus tard une terrible vengeance, joua la scène du désespoir. Il se laissa choir sur une chaise, et prenant sa tête dans ses mains, il éclata en longs sanglots. C'était un moyen excellent de cacher sa colère, sa fureur, son désappointement. Il venait d'échouer, et le million lui échappait encore. Peu après, il se laissait ramener à Mantes, où le commissaire de police lui délivrait un procès-verbal de cette visite. Procès-verbal qui reconnaissait que Madeleine n'avait pas recouvré totalement sa raison et proclamait l'écroulement de toutes les espérances du bandit, la fuite du mirage d'or. Le comte, avec un geste douloureux, prit ce document. Mais en rentrant à Paris, il se disait « Je me doute du coup qu'il prépare contre moi. Il travaille pour Jacques, mais je suis là, moi, encore. Et avec ce papier, je les tiens. Allons, si Madeleine n'est plus démente, c'est vous qui êtes fou de vouloir lutter contre Zigomard. » Dehors, comme en courant, Madeleine entraîna le jeune avocat dans une allée du jardin. Là, se sentant loin de tout regard indiscret, de toute oreille aux aguets, regardant bien l'avocat dans les yeux, elle lui dit « Cet homme a menti, n'est-ce pas ? Cet homme a menti quand il m'a dit que Paulette était vivante. » Le jeune avocat pensa qu'il ne devait pas la laisser dans le doute, dans l'erreur. « Non, non, madame, cet homme a dit, pour une fois, la vérité. » Il a dit la vérité, la douloureuse vérité. Paulette vit encore. Elle vit. On espère du moins qu'elle est vivante. Elle n'a donc pas été brûlée à la tilleuse ? Non. Pourquoi ne me la rend-on pas alors ? Parce que Paulette a été volée. Volée ? S'écria douloureusement Madeleine en portant la main à son cœur. Volée ? On a volé Paulette ? Malgré les recherches que nous avons entreprises, nous n'avons pu découvrir la trace de l'enfant. Madeleine alors se mit à pleurer. « mon Dieu » fit-elle. « C'est donc pour que je puisse comprendre la grandeur de mon infortune que vous m'avez rendu mon âme ?»